Onzième chapitre, second chant de Brunhild, fragment. La flamme s'élançait, la terre tremblait et les langues de feu s'élançaient jusqu'au ciel. Nul parmi les plus braves n'osait s'avancer au milieu des flammes. Sigurd dirige Grani avec son épée. Le feu s'éloigne du chef. Les flammes s'abaissent devant le héros. L'arme qu'avait possédée Reginn lance des éclairs. Sigurd quitte la salle où l'on se réunit pour monter dans l'appartement supérieur. Il s'irrite et sa colère est si grande que sa cotte de maille, l'ornement des jours de combat, se brise sur sa poitrine. Ces trois strophes ne se trouvent point dans l'Edda et n'ont été conservées que dans la Völsunga saga. Les deux premières se rapportent au moment où Sigurd, monté sur Grani, franchit la ceinture de flammes, le Vafrlogi, qui entoure le bourg de Brunhild. Högni, pourquoi te prépares-tu au meurtre et à la vengeance, ô Gunnar, fils de Gjuki? Qu'a donc commis de si grave Sigurd pour que tu veuilles lui enlever la vie? Gunnar, Sigurd m'a juré son serment. Il m'a juré et il l'a trahi. Il m'a indignement trompé, tandis qu'il devait respecter sa promesse. Högni, c'est Brunhild au cœur dur qui te pousse à commettre ce crime. Elle est jalouse du mariage qu'a fait Gudrun. Elle n'est pas heureuse d'être ton épouse. » Ils firent rôtir de la chair de loup, ils découpèrent des serpents, et donnèrent à Guttorm cette nourriture féroce avant qu'avide de sang, ils osassent porter la main sur le noble guerrier. Sigurd succomba du côté du sud, au bord du Rhin. Du haut d'un arbre, un corbeau s'écria. « Atli rougira le fer dans votre sang, assassin, vous porterez la peine de la foi violée !» Gudrun, la fille de Gjuki, était dehors, et voici la première parole qu'elle dit. « Où est donc maintenant Sigurd, le chef victorieux? D'où vient que les princes chevauchent en avant ?» Högni seul répondit. « Nous avons tué Sigurd avec l'épée. Grani, le cheval gris, porte la tête basse sur le corps du roi, son maître. » Brunhild, la fille de Budli, parla. « Vous régnerez maintenant sur les terres et sur les guerriers. » Le chef des Yunnan en eût été le seul maître si vous l'aviez laissé vivre plus longtemps. Il ne fallait pas que Sigurd régnât sur l'héritage de Gjuki et sur les guerriers Goths, ce qui serait advenu s'il avait élevé cinq fils avides de combat et prêts à soumettre les peuples. Et Brunhild se prit à rire, cette fois de tout cœur. Le bourg en retentit. Puissiez-vous régner longtemps sur les terres et sur les hommes, maintenant que vous avez tué le plus vaillant des rois. Gudrun, la fille de Gjuki, parla. Tu te réjouis d'une manière odieuse du crime commis. Les mauvais esprits s'empareront du cœur de Gunnar. La vengeance atteint à la fin les âmes cruelles. Le soir était venu. On avait beaucoup bu et l'on avait échangé maintes paroles joyeuses. Tous s'endormirent sur leurs couches. Seul Gunnar veille. Il s'agite, il remue les pieds, il réfléchit en lui-même. Le chef des guerriers songe profondément à ce qu'ils se disaient entre eux, l'aigle et le corbeau, alors qu'il regagnait sa demeure. Avant le jour, Brunhild s'éveilla, la fille de Budli, l'enfant des rois. « Maintenant, fais ce que tu voudras, le crime est accompli. Parler ou me taire me fait également souffrir. » Pendant mon sommeil, Gunnar, j'ai vu des choses horribles. Dans la salle, tout était mort, et moi je dormais dans ma couche solitaire et froide, tandis que toi, ô roi, plein de soucis et les pieds enchaînés, tu chevauchais au milieu des bandes ennemies. Ainsi tombera la puissance de la race des Niflungen, car vous avez violé vos serments. Avez-vous donc entièrement oublié, ô Gunnar, comment, en signe de fraternité, vous fîtes couler réciproquement votre sang dans les empreintes de vos pas? Vous l'avez bien mal récompensé, ce héros, de la valeur qu'il déployait toujours au premier rang. Lorsque le vaillant chef vint chevauchant, afin de me conquérir pour vous, il fit bien voir le victorieux qu'il voulait garder sa promesse envers le jeune roi sans le trahir. Le noble chef plaça entre nous deux son épée ornée d'or. Elle lançait au loin des flammes, mais elle était trempée dans le poison. Tous se turent en entendant ces paroles. Nul n'approuvait la conduite de cette femme, qui parlait en gémissant du crime auquel elle avait poussé ses guerriers en riant. Ici, le Lied parle de la mort de Sigurd, et il semblerait qu'ils l'ont tué hors du bourg. D'autres disent qu'ils l'ont frappé tandis qu'il dormait dans son lit. Mais des hommes originaires d'Allemagne racontent qu'il a été tué dans la forêt. Il est dit aussi dans un ancien livre de Gudrun que Sigurd et les fils de Gjuki se rendaient au Thing quand ils l'assassinèrent. Mais tous s'accordent à affirmer qu'ils le trompèrent odieusement et qu'ils le tuèrent quand il était couché et sans défense.